n'est pas des amants, des unis. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from the door. Like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Burn make love your soul. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, the power of love, a force from L'hymne à l'amour version anglaise sur le programme Chérie FM qui risque de donner des idées à certains d'entre vous qui passent 48 heures du week-end au lit. J'en connais quelques-uns, je ne donnerai pas leur nom à la radio histoire de ne pas leur créer d'ennui, mais il y en a qui en profitent carrément pendant 48 heures le week-end. J'aime autant vous dire qu'arrivés le lundi matin, ils ne sont pas particulièrement en forme. Séduire, troubler, plaire, c'est Vital. Dans son numéro spécial séduction, Vital nous dit comment mettre tous les atouts de notre côté. Attention, les hommes ont changé, plus question de nous y prendre comme hier pour les faire craquer. Et dans Vital, l'amour se met à l'heure d'été. Découvrez le plaisir troublant des câlins dans la nature. Mais gare au PV. Je suis barman au pays du blues. J'en ai servi des campagnes. De nos villes à Santa Cruz. Mais j'ai beau changer de pays. Un Campari orange. Je connais pourtant des cocktails extraordinaires au Campari. Des Paloma et des Lili. Mais chaque fois que l'on m'appelle, un Campari orange. Un tiers orange, un tiers Campari. Le Campari des Campari. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'est le départ de la grande ruée vers le nouveau record Conforama. Un radiocassette stéréo laser à 499 francs, avec tuner 3 gammes d'ondes, affichage à cristaux liquides, 20 plages programmables. 499 francs le radiocassette stéréo laser avec garantie nationale gratuite. Seul Confo peut vous l'offrir. Attention, offre limitée à 10 000 pièces pour tous les Conforama. Venez chez Conforama, le pays où la vie est moins chère. Pour plus de détails, 3615 Confo. Pourquoi je lis art et décoration? Parce que art et décoration, c'est autre chose. Par exemple, je crois pas qu'on puisse faire tout d'un coup. Décorer une maison, ça se fait par petites touches, il faut du temps. Dans art et décoration, on sent que toutes les maisons ont pris leur temps. Une idée par-ci, une idée par-là, une idée pour plus tard. Vous savez, quand la maison est belle, la vie est belle. Si je vous dis les 7, 8, 14 et 15 mai, le saucisson cochonou est gratuit dans tous les magasins. Vous venez ? Oui, oui, j'arrive. Pour tout savoir, téléphonez au 16 1 30 89 30 02. Les week-ends tentation cochonou, si on l'aime, on y va. Gilda, programme Chérie FM. Je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que je

cœur de rocker ou pas, vous pourrez venir faire l'animateur ou l'animatrice radio d'ici un petit quart d'heure sur le programme Chéri grâce à la première demande express de l'après-midi. Gilda, programme Chéri FM. Le programme Chéri FM présente... La fille, bon, il se trouve que je la connais, c'est pas la pucelle d'Orient. Peut-être pas les drogues de Lascaux non plus. Guy Bedeau, c'est Muriel Robin à l'Olympia. Oui, c'est délicieux comme image. J'ai envie que mes enfants connaissent l'amour sans caoutchouc. Et moi, j'ai envie que mes caoutchoucs soient arrosés par ma concierge au mois d'août. Guy Bedeau, c'est Muriel Robin à l'Olympia à partir du 13 mai. On comprend plus rien ce que tu racontes. Location Fnac, Virgin, 3615 Chéri FM et au 47 42 25 49. Les 4 S à la Samaritaine, c'est exceptionnellement jusqu'au 15 mai. Les 4 S, c'est des prix, des remises incroyables et des crédits dans toute la Samaritaine. Moins 20% sur tous les pulls, les polos et les imperméables pour hommes. Moins 20% sur toutes les chemises et les sous-vêtements de grandes marques pour hommes. Sauf Point Rouge. Les 4 S à la Samaritaine, jusqu'au 15 mai. Thank you.

Dans le programme, chérie, Linda Ronstadt, It's So Easy to Find Love, surtout que ça devrait être assez facile, c'est le printemps en ce moment, et à l'instant, UB40, The Way You Do, The Thing You Do, à 18h, Le Flash avec Alexandre Delperrier, et Pascal Hernandez pour Photo de Star, Pascal Hernandez qui, en ce dernier jour de la semaine, a collé au basket de Sharon Stone, de Laurent Voulzy et de Cher. Gilda, 91.3, programme Chérie FM. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, ne prenez pas de décision avant d'avoir visité le centre Renault Occasion, au 13 avenue du Général Leclerc à Pantin. Deux expositions, plus de 500 véhicules toutes marques, françaises et étrangères, tourismes et utilitaires. Garantie or, un an, pièces et main-d'œuvre, au 13 avenue du Général Leclerc à Pantin. Porte de Pantin à 300 mètres du périphérique. Téléphone 48 10 42 42 48 10 42 42. Qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, ce spectacle vous concerne. Ça dérange et c'est drôle. Les Fielleux, une pièce de Daniel Colmar, mise en scène par Stéphane Gildas à l'espace Paris Plaine, Porte de Versailles, du 4 au 16 mai. Réservation 40 43 01 82, 40 43 01 82. Pour toute place achetée, un cours d'art dramatique vous sera offert par le metteur en scène à l'école Action Studio. Mondeo, déjà un grand succès. Airbag forte de série côté conducteur, air conditionné de série avec filtre anti-pollen, architecture haute protection, rarement beauté à offrir une telle technologie. Samedi et dimanche, les concessionnaires Ford vous attendent pour venir l'essayer. Vous découvrirez aussi son nouveau break, le Mondeo Keeper. Mondeo, beauté et force intérieure. Retrouvez votre concessionnaire au 3615, code Ford. Rodin, le grand magasin de tissus du 36 Champs-Élysées, vous invite à profiter au plus vite de ses nouveaux arrivages. Tissus du monde entier, Rodin vous offre une sélection de soies exotiques, coton d'été, polyester, viscose imprimée, de 10 à 40 francs le mètre. De superbes tissus d'ameublement américains, depuis 50 francs. En stock des milliers de tissus séduisants et des affaires géniales à tous les rayons. Des étoffes pour robes de mariée au rideau prêt à poser, des prix époustouflants. Rodin, 36 Champs-Élysées, fait bouger la mode pour augmenter votre plaisir. Découvrez Rodin, ses tissus, ses créations, ses arrivages, une grande adresse, 36 avenue des Champs-Élysées. Avant la pub, les prévisions météo pour cet été, ciel bleu sur toute la France, température entre 38 et 45 degrés, l'été sera chaud, très chaud. Sauf dans les Volvo. Vous rêvez de fraîcheur, de musique? Alors profitez vite de l'offre spéciale climatisation et autoradio sur les séries limitées Volvo. C'est maintenant chez votre concessionnaire Volvo, 3615 Volvo. Du 10 au 15 mai, la mozzarella Galbani est gratuite. Alors, faites comme moi, offrez-vous un petit voyage en Italie avec la mozzarella Galbani. Déposez-la sur quelques tranches de tomates, parfumez-la du basilic et rajoutez un filet d'huile d'olive. La mozzarella Galbani, c'est une invitation à l'Italie. Du 10 au 15 mai, le sachet de mozzarella Galbani est gratuit. Si vous n'êtes pas italien, vous allez le devenir. Pour en savoir plus, regardez vite au dos des sachets de 125 grammes de mozzarella Galbani. Galbani, le fromager de l'Italie. Vous écoutez le programme Chéri, le programme qui fait chanter, il est 18h. Le flash, Alexandre Delperrier, bonsoir. Bonsoir, la prise d'otage à Neuilly, selon le premier adjoint au maire de la ville. Les négociations continuent et tout va bien. 6 enfants sont toujours retenus dans leur classe en compagnie de leur institutrice, Laurence Dreyfus. Cette dernière, qui effectue sa première année d'enseignement, a d'ailleurs refusé d'abandonner les enfants. Et cela fait maintenant plus de 30 heures que la prise d'otage a commencé et l'homme réclame, je vous le rappelle, 100 millions de francs. Et d'après les rares informations qui filtrent, les enfants sont calmes et se tiennent dans un coin de la classe opposée à l'endroit où se trouve l'homme armé. Puis, on l'a appris il y a quelques minutes, à 17h30, une fourgonnette blanche contenant les fonds destinés aux preneurs d'otages est arrivée à l'école. Ce véhicule a été précédé de plusieurs voitures ministérielles, dont l'une transporte Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly et ministre du budget. Nicolas Sarkozy qui conduit les négociations avec le ravisseur. Le reste de l'actualité, pas de nouvelles réformes hospitalières à l'horizon. Philippe Douste-Blazy l'a annoncé cet après-midi. Le ministre délégué à la Santé a cependant prévu quelques assouplissements et s'est prononcé en faveur du maintien des structures hospitalières de proximité. Pierre Botton, de nouveau entendu par le juge d'instruction, l'homme d'affaires lyonnais gendre de Michel Noir a été entendu pendant plus de 3 heures ce matin sur le dossier de la société de distribution des eaux intercommunales. Pierre Botton est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de cette affaire. À l'étranger, Mère Teresa hospitalisée à Rome, elle a fait une chute et s'est fracturé 3 côtes. Le prix Nobel était dans la capitale italienne pour participer à une réunion de prière. Elle est âgée de 82 ans. Du nouveau à l'Est, les chefs d'État de la CEI ont annoncé tout à l'heure la signature d'un accord de principe pour la création d'une union économique. Un an de sursis pour les baleines, la commission baleinière internationale réunie à Kyoto au Japon a adopté ce matin une résolution créant un sanctuaire pour les baleines dans les mers australes, mais une décision formelle est remise à l'an prochain. Un mot de sport et de football. Il y a ce soir un match de championnat de France de première division, un match avancé de la 35e journée et Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain avec en vue une place en Coupe d'Europe. La météo pour demain, le temps sera variable, soit alternance de nuages et d'éclaircies sur la majeure partie du territoire. Le soleil sera le plus généreux sur les régions méridionales. Quant aux nuages, ils seront eux le plus menaçants sur le littoral de la Manche et sur tous les reliefs. Côté température, comme aujourd'hui ou presque, les maximales l'après-midi varieront de 13 à 23 degrés du nord au sud. Programme Chéri FM, il est 18h 2 minutes et 30 secondes. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour les prochaines informations. Et d'ici là, je vous laisse avec Thierry Debrune et Pascal Hernandez, bien évidemment, pour Photo de Star. Photo de Star sur le programme Chéri FM. Pascal Hernandez, l'homme de toutes les situations, n'a pas son pareil pour pister le bruit qui court partout et sur tout le monde, sa cible de prédilection, ceux qui font la une des journaux et qui occupent 365 jours sur 365, le haut de l'affiche. Et là, c'est Sharon Stone qui lève le voile sur ce qui lui restait de couvert, à savoir les coulisses de Basic Instinct. Sharon a révélé qu'elle demandait aux femmes de l'équipe du tournage de s'asseoir carrément près d'elle avant certaines scènes. J'ai besoin de l'énergie féminine pour être à la hauteur, dit-elle. Dans ce même interview, la belle allumeuse avouait préférer de loin la compagnie de ses petites amies à celle des hommes, plutôt ennuyeuse, dit-elle. Sharon, qui sera bientôt à l'affiche d'un nouveau film intitulé Silver, lui aussi paraît-il très chaud. Woolsey aime les boules de cristal. Il reconnaît avoir une attirance pour toutes ces choses-là. À l'inverse de Sheila, il n'a pas prévu d'écrire d'ouvrage à ce sujet, mais il s'y intéresse. J'essaie de chercher les lumières, dit-il. Les arts divinatoires et le paranormal, ce n'est pas de la sorcellerie. Laurent, dont par ailleurs le fils Julien, 18 ans, semble suivre les traces de son papa. Lui aussi, il fait de la musique. On attend bientôt peut-être un disque. Gene Wilder a des projets. Sa femme est décédée il y a quelques mois et il a décidé de faire un geste. Le comédien américain a ouvert un club de soutien et de dialogue pour malades du cancer. Ce club porte le nom de sa femme, Gilda. Cher a de l'humour. Elle aime bien les facéties. Elle a voulu jouer un tour pendable à sa fille. Elle a payé 5000 francs, 20 chasseurs d'autographes, pour qu'il ne lâche pas d'une semelle sa fille pendant toute une journée. Tout ça simplement pour lui faire comprendre que c'est dur d'être une vedette et surtout pour la dissuader de se lancer dans la chanson. Mais ça n'a pas marché apparemment, puisque Chastity, 23 ans, vient de signer un contrat avec une maison de disques. Merci Pascal. Rendez-vous lundi dans le programme Chéri à 18h et des cancans.